Bienvenue tout le monde sur la POC, l'épisode 43 au moment de l'enregistrement. Piqué Souban est sur la glace en train d'affronter le Canadien de Montréal. Nous sommes le 2 mars 2017. J'ai bien gagné votre animateur et avec moi, Jerry Goodbeau. Hey! Comment est-ce qu'il va, mon préféré? Ben, il va bien. Il va bien? Ben oui, il va bien. Nice! Commençons par... les traditions, hein? Faut pas perdre ça, des traditions de même. Je savourais une Sleeman Railside Session Ale. Qu'est-ce que ça... À quelle saveur? J'en ai aucune sapristi d'idée. Mais il y a de l'alcool dedans. 4,2%. Fait que la vie est belle. Moi, je bois rien. Pourquoi tu bois rien, mon Jerry? Parce que j'ai quand même envie de me prendre de quoi boire. Ben, on peut prendre 2 minutes de te laisser aller. Non. Le Canadien de Montréal, donne-moi une petite seconde, là. On va revenir en arrière par rapport au dernier. Je suis capable de trouver ça. Dernier score, cédule. Hey! Tu sais, je suis préparé, là. J'ai comme 3 pages de notes, mais les résultats du Canadien de Montréal. Tu sais, la patente que je fais à chaque show, ça, je l'ai pas. Ben, c'est pour ça, c'est tout le temps comme ça. C'était quand notre dernier enregistrement, mon Jerry? T'en souviens-tu? Pas en tout. V'là 2 semaines. Il y a 2 semaines. Non, c'était en plein milieu de la semaine. Claude Julien est embauché quand? Ben, hey. V'là 2 semaines. Il y a 2 semaines. C'est vraiment professionnel, notre affaire. Notre dernier show, écoute, ça date du 15 février. Fait que c'est là 2 semaines. Il y a 2 semaines. Voyons, Jerry, tu savais. Depuis le 15 février, donc, le Canadien de Montréal, à ce moment-là, est en plein milieu de sa bye week, est en vacances. Donc, le nombre de matchs qu'il a disputés est un peu moindre qu'à l'habitude. Le samedi 18 février, défaite contre Washington 3-1. Ensuite, victoire de 3-2 contre les Rangers en tir de barrage 3-2. Ensuite, défaite 3-0 contre les Islanders de New York. Victoire en prolongation contre Toronto 3-2. Ensuite, victoire de 4-3 contre le New Jersey, aussi en prolongation. Une victoire en prolongation. Wow, ils donnent des points à tout le monde. Les Canadiens sont généreux. De 1-0 contre les Blue Jackets de Columbus. Et voilà le résultat pour ce qui est des matchs du Canadien de Montréal. Ce qui fait en sorte que, en termes de position au classement, le Canadien de Montréal réussit toujours à être en tête de la division Atlantique avec ses 78 points, 4 devant les Sénateurs d'Ottawa ainsi que les Bruins de Boston. Les Sénateurs qui ont eu 3 matchs en main sur le Canadien, tandis que les Bruins en ont un. Sinon, dans les autres positions, Washington, Columbus et Pittsburgh sont en tête dans la métropolitaine et les Wild Card dans l'Est sont les Rangers à 82 points et Toronto à 69 points. Dans l'Ouest, je vous donne juste là, les équipes d'insérie. Là, Minnesota, Chicago, Nashville sont en tête dans la centrale. Dans la Pacifique, San Jose, Edmonton, Anaheim et les Wild Card, c'est Calgary et Saint-Louis. OK, voilà, j'en reprends mon souffle. Le Canadien de Montréal, comme toutes les autres équipes de la Ligue nationale, hier, le 1er mars, au moment de l'enregistrement, donc qui était hier, a vécu la date limite des transactions et des échanges. Marc Bergevin a été très, très actif. Et avant de te demander tes impressions sur le travail de Marc Bergevin, je vais te demander, mon Jerry, de reculer dans ton enfance. La date limite des transactions, c'était-tu mieux avant? Ben là, quand tu parles de mon enfance, il n'y avait pas de plafond salarial. On s'échangeait n'importe qui, n'importe comment. Tabarouk, les Rangers avaient 3-4 joueurs à 40 millions chaque. Non, mais pour vrai, si c'était mieux avant, je pourrais pas te dire en tant que tel. Parce à chaque année, c'est tellement différent. Sauf que c'est sûr qu'avec le hockey d'aujourd'hui, c'est tellement plus calculé que c'est beaucoup plus des moves comptables que des moves, tu sais, des vrais deals de hockey, là. Un des meilleurs exemples qui s'est justement passé là, c'est le move de Mark Streit, là. C'est un des meilleurs moves de Tampa Bay ever, juste pour se gagner 5 millions sur la masse. c'est carrément rendu ça pour vrai, là. Fait que. Je te dirais que oui, c'était mieux avant, juste à cause de la limitation de ce que tu peux vraiment échanger, là, compte tenu des salaires pis tout. Là. Ouais, pis. Tu sais, il y a l'aspect médiatique, là. Hier, là, les postes de TV, ça commençait à 6 h le matin, là. Pis la première transaction a eu lieu à quelle heure? À 10h40. Ouais, ah ouais. Non, c'était comme 10h40, là. Ça, là, ça veut dire qu'eux autres, là, ils ont rempli 4h40 de show avec rien. Sweet fuck all! À la fin, là, à RDS, ils shootaient des pogs dans le net. Puis, tu sais, les mires, normalement, là, au match des étoiles, là, pour la précision, là, c'était comme ouais. Les logos des équipes. Puis, ils parlaient du sujet selon l'équipe que le Alain Crête avait réussi à te faire tomber avec son shot. C'était pathétique. C'était pathétique. Ça n'a pas de bon sens. À un moment donné, là, calmez-vous les ardeurs, là. C'était un bon moyen de chercher les sujets. C'était pas. Les sujets étaient là, c'était juste du remplissage. Le temps qu'ils réussissent à faire ses lancers et à atteindre la cible, là, c'était pas. Ça faisait mon oncle en tabarouette. Ouais. Mais bon, tu sais, RDS. C'est ça. Ben, le pire, c'est que c'est pas les seuls. Je veux dire, il y a plein. Même à radio, ça a commencé super tôt. Je veux dire, il y a aucun but de commencer à cette heure-là. C'est juste que tu le sais pas. S'il peut se passer de quoi, check. Comme mettons Steve Ott, là, ça s'est fait à minuit et une, la transaction. Là. Hey, comment ça qu'il n'y avait pas de show live à ce moment-là? Ben, hey, c'est justement, il devrait commencer à minuit, de minuit à minuit, okay. Tout le premier, au complet. Au moins, l'heure n'est pas trop tard de tomber, c'est à 15h le premier mars, fait que ça fait en sorte qu'à un moment donné, les shows d'analyse de ce qui s'est passé peuvent commencer. Ça n'a pas de bon sens. Puis là, regarde, nous autres, on va en parler, fait que ils sont pas pires, nous autres. Le Canadien de Montréal, es-tu en mesure de nous résumer un peu les mouvements de personnel? Ben, je peux te dire les joueurs qui ont été cherchés. OK. Ou tu veux vraiment que j'y aille avec les transactions? Ben, moi, j'aimerais ça qu'on les couvre toutes, là, parce qu'il y a... tu sais, c'était pas juste hier que ça s'est passé. À partir du 27 février, moi le faire, là. J'ai le tableau en avant. Ben alors, je peux le faire. Ça me lance pas, j'ai le tableau, moi, avec. Je vais le faire. OK, vas-y, vas-y. Je vais y aller. Ben, il sert à quelque chose, toi, là, aussi, là. Attends, sinon, je m'en vais. Regarde, vas-y. Le premier mouvement de personnel, comme tu dis, c'est fait le 27 février. C'est la première transaction qui a mené à la suite, parce que en fait le 27 février, c'est un peu, moi je trouve que c'est un peu là que ça a comme starté, puisqu'il y en a eu quelques-unes qui se sont passées là. Mais pour le Canadien, on parle de Craig Patterson qui sa femme n'était pas contente, probablement pour ça que c'est fait échanger. Tu penses? Ben ouais, un petit peu. Donc, Greg Patterson et un choix de quatrième ronde sont partis aux Stars de Dallas, qui, eux, nous envoient Jordy Benn. Bien évidemment, on aurait aimé que ce soit Jamie Benn, mais on va faire avec. Il y a quasiment personne qui a fait la joke, hein? Non, effectivement. À un moment donné, là, tout le monde, c'est comme « J-Benn, J-Benn! » Oui, c'est ça. Ouais. En lien avec cette transaction-là, ça m'amène... je fais juste une petite parenthèse. Je veux saluer nos amis du danslescoulisses.com. Cette transaction-là est directement reliée avec le travail de Max et de Jeff Drouin, qui font une job incroyable. Là, ceux autres qui ont sorti l'information par rapport à la femme de Greg Patterson. Je suis convaincu que Greg n'était pas dans les plans à très, très long terme du Canadien de Montréal. Mais en même temps, il avait pas mal en main sa destinée. Il pouvait faire pas mal ce qu'il voulait. Il tombait RFA. Pouvoir de négociation assez limité et donc salaire limité aussi. C'était une bonne roue de secours, c'était correct, sans plus. Mais de le transiger puis de se dépêcher à le faire, c'est clairement ce qui s'est passé sur le dans les coulisses avec l'article à propos des déclarations de la femme de Greg Patterson, son petit côté anti-franco, des choses comme ça. Et je veux les saluer pour le bon travail, la recherche, le fait que eux, ils citent leurs sources. Quand ils prennent l'information, d'ailleurs, ils mentionnent d'où ça vient. Ils ne gênent pas. Puis, en fait, au lieu de leur enlever du mérite sur l'information qu'ils transmettent, ça leur donne de la valeur. Parce que tu sais qu'ils ne bullshitent pas. Quand c'est leurs propres informations, Ben, c'est les, leur vraie information. Puis quand ils disent que ça vient d'ailleurs, ben, ça vient vraiment d'ailleurs. Contrairement à plusieurs grands médias traditionnels qui n'osent pas le faire, eux, citer leurs sources, et qui, après ça, se permettent de dire « Ah, les blogs, c'est un peu n'importe quoi, puis c'est tout croche, puis ah, c'est juste de l'Internet, c'est pas fiable. » Donc, c'est un bel exemple. Et ça amène aussi le fait que, ben écoute, ce genre de sites-là ont une influence sur les décisions hockey du Canadien de Montréal. C'est pas n'importe quoi, là. Il y a directement un lien entre la transaction et ce qui est sorti sur le web. Ça, ça veut dire que quelque part, je sais pas si les membres du Canadien de Montréal lisent le dans les coulisses ou les blogs, mais l'information finit par se rendre. Donc, je salue leur travail. Selon leur travail. Non, mais pour vrai, c'est vrai. D'ailleurs, Jeff Filion, en entrevue, pas en entrevue, mais dans son show, mentionnait que Michel Therrien, au moment de se faire congédier, était rendu en mode panique, cherchait à savoir tout le monde, qu'est-ce que tout le monde pensait de lui. Il avait vraiment perdu le contrôle sur le plan psychologique et que, à un certain moment donné, semblerait-il, et ça viendrait de la bouche de l'ours. Je sais pas comment c'est quelle expression qu'il a utilisée, là, mais que ça venait directement de sources très, très sûres. Probablement Isabelle Desjardins, la blonde de Desharnais, qu'il y a un moment donné, il a fallu que Marc Bergevin dise à Michel Therrien, là, lâche les sites web, là. Tu sais, là, dans les coulisses, le 25 Stanley, lâche-les, là. Tu fais plus ta job, c'est en train de prendre le dessus sur toi, lâche ça. Je sais pas si c'est fiable. Mais disons que ça en rajoute sur le fait que le Canadien de Montréal finit par savoir l'information, peu importe d'où est-ce qu'elle sort, puis quand elle est vraie, elle prend en considération. Alors voilà. Tu peux retourner avec les trades. Donc, on parlait de Jordy Benn. Je veux juste faire une petite fiche rapide aussi en même temps. Je vais y aller avec tous les joueurs juste de ce qu'on a acquis. Mm-hmm. Cette année, 15 points avec les Stars. Là. C'était 2 buts, 13 passes. Donc, il a 29 ans, 6 pieds 2, 200 livres. Donc, c'est le portrait global du défenseur. Par la suite, dans le fond, j'ai envie aussi faire la parenthèse sur une autre grosse transaction qui s'est passée le 27 février qui ne touche pas le Canadien de Montréal. Mais Kevin Shattenkirk qui est passé des Blues de Saint-Louis aux Capitals. Mm-hmm. Je fais pas le gros portrait, mais les Capitals vont être à surveiller. Ouais, pas grand-chose en retour. Là. Ça va être un choix probablement de fin de première ronde, de repêchage qui est très ordinaire. Les prospects, c'est pas grand-chose non plus. Il y a un deuxième choix. On aurait pu s'attendre à ce que la valeur de Kevin Shattenkirk soit vraiment plus élevée, mais le gars clairement dit, un petit peu comme Vanek il y a quelques années, que lui, cet été, en devenant UFA, il allait signer avec les Rangers. Fait que, tu sais, ça te donne quoi d'aller chercher? C'est pour les séries, puis c'est pas mal tout. Donc, ça baisse beaucoup le pouvoir de négociation des Blues. Et semblerait-il qu'il avait empêché 3 transactions précédemment, dont une qu'il aurait envoyée avec les Flames de Calgary. Donc, Kevin Shattenkirk est un peu un asshole parce qu'il a refusé des transactions. Et en même temps, les DG, in your face, arrêtez de donner des clauses de non-échange. Voilà ce que ça donne. Effectivement. Donc, les Caps vont être à surveiller en maudit. Oh que oui! Le power play, là, ça va être assez quelque chose. Ça va être quelque chose, effectivement. Ça serait vraiment décevant qu'il se fasse une non-première ronde. Mais bon. La prochaine transaction du Canadien de Montréal, il décide d'envoyer David Desharnais, un joueur local, un francophone, fait que ça l'indigne plein de gens, aux Oilers d'Edmonton contre un jeune défenseur, Brandon Davidson. Faut retenir ici que c'est encore un défenseur, parce que des défenseurs à Montréal, on en a jamais assez. On en a jamais trop. Ouais. Particularité du trade, le CH garde 20% du salaire jusqu'à la fin de l'année de David Desharnais. Donc, Brandon Davidson, le portrait rapide, seulement 28 matchs cette année, défenseur quand même que de l'avenir devant lui. Je sais que toi, de ton côté, tu le connais un petit peu plus. Ouais, parce que tu sais, pendant un bon bout de temps, j'étais dans une ligue de hockey simulée à jouer le DG et mon équipe c'était les Oilers d'Edmonton, donc je connais bien les prospects, tout ça. Je surveillais pas mal, je regardais leurs matchs aussi. Pensez à Greg Patchin. Je pense que c'est le plus bel exemple. Ça ressemble à ce genre de gars-là qui est à cheval entre la Ligue nationale et la Ligue américaine. C'est un gars qui va pas jouer tous les matchs, mais qui peut être utile. Cette année, seulement une passe. Il est à plus 1, donc c'est relativement fiable en 28 matchs. L'an passé, 11 points. T'sais, c'est toujours comme ça, là. Plus 7 en 51 matchs. C'est un gars qui est vraiment qui est à cheval entre les deux ligues, puis qui peut être intéressant, mais jusqu'à quel point plus que Patrin? C'est à voir, là. Mais tu sais, ça deviendra pas un défenseur numéro 1, là. Enlevez-vous ça de la tête, c'est un 7-8, là. Effectivement. Il est quand même juste 25 ans aussi, fait que, tu sais, on se rajeunit un peu. Ben, 6 pieds 2. Je faisais le comparable avec Patrin, c'est parce que c'est la même âge à peu près, là, aussi. Ouais, donc, tu sais, si tu fais un swipe, un ou l'autre, puis le gros avantage de cette transaction-là, c'est de se libérer du salaire de David Desharnais pour le restant de la saison, quoique, tu sais, à voir ce qui s'est passé par la suite dans le marché des transactions, puis le Canadien de Montréal avait-il vraiment besoin tant que ça d'espace? Il n'y a pas eu le gros trade qu'on espérait pour un gros joueur de centre. Donc, tu sais, on s'est donné des munitions pour transiger par la suite, mais ça n'a pas fonctionné tant que ça. Et voilà. Donc, cette transaction-là s'est faite le 28 février. Sinon, le 1er mars, la grosse journée qu'on attend tous à 6 heures du matin, on est devant notre TV. On est là. C'est ça. Le Canadien envoie un choix de 6e ronde en 2018. C'est là quelque chose qui a bien de la valeur, mettons, là. Contre Steve Ott. Il y a beaucoup de gens qui vont peut-être connaître Steve Ott. Il roule sa bosse depuis... Roule sa bosse. Tabarouette, hein? C'était quelque chose, sortir ces deux mots-là dessus. Ouais, hein? Il roule donc, sa bosse depuis longtemps. Et voilà. Donc, là, bon, c'est un attaquant. Fait qu'au moins, ah, c'est écoute, pas un défenseur. Wow! Un attaquant! Stop les presses! Mais bon, un attaquant qui a juste 6 points en 42 games. Moins 6. Je veux mentionner, okay, quelques petits faits intéressants. Sa meilleure saison offensivement, 46 points en 64 games, il y a 9 ans. De cela. Fait que ça fait très longtemps. Et, soit dit en passant, il a déjà joué sur le même trio que Kirk Muller. Ça vous donne une idée de l'âge qu'il a. Il y a 34 ans. C'est pas un petit jeune. Et probablement que c'est une police d'assurance d'une police d'assurance en cas que il arrive des blessés. C'est une belle sonnerie, ça, mon jubé. Ah, j'aurais dû enlever la sonnerie, mais c'est pas grave. Moi, l'enlever là, maintenant. Les joies du direct. Différé live, là. Live tout tape, là. Il a déjà joué, en fait, aussi pour les Bulldogs d'Hamilton en 2004-2005. Donc, il a déjà appartenu au Canadien de Montréal. Ben, je pense que à ce moment-là, les Bulldogs, c'était le club-école de deux équipes en même temps. Peut-être. Je pense, mais il y a déjà un lien de loin ou de proche avec le Canadien de Montréal. Ben, avec Kirk Muller, entre autres, parce qu'il a joué avec. Fait que déjà, ouais, déjà là. Donc, 6 pieds, 190 livres, 34 ans, comme tu l'as mentionné tantôt. Donc, on s'est pas nécessairement rajeuni, mais on a rajouté du grit. Je pense que ça va commencer à devenir fatigant à jouer contre les Canadiens de Montréal. Pas toi aussi avec des clichés. Oui, effectivement, des clichés. Qu'est-ce que je te dis? Man, c'est quoi fatigant? Ben, à se faire rentrer dedans un moment donné. Ouais, mais faut que t'y touches, les gars. Faut que tu sois capable de les rattraper. Si t'as pas la vitesse. Ça, c'est vrai. Mais quand même. En tout cas, grosso modo, là, on n'a pas fini le tour des transactions que le Canadien a fait, là, mais c'est du 0 plus 1 moins 2 dans le différentiel. C'est pas dur, là. Pense pas qu'Ovechkin va faire comme « Holy shit! Steve Ott est dans le chemin! » c'est quoi dur? OK, oui, quand vous êtes les deux dans le coin, ils tabassent un peu plus, mais dans le milieu du jeu, là, pas tant que ça, là. C'est pas dur à jouer des quatrièmes trios, là. Surtout quand ils jouent contre un autre quatrième trio, là. C'est sûr. Parce que, mais quand, en fait, moi, j'ai vraiment hâte de les voir jouer. Oui, moi aussi. Pour se faire une idée. Là. Parce que là, c'est des noms qu'on garoche, puis il y a probablement du monde qui va genre, hein, de qui tu parles, comme, mettons, la prochaine transaction du Canadien de Montréal. On envoie un choix de quatrième ronde encore en 2018 pour Dwight King. Lui, on a été cherché dans la cour des Kings. Quel hasard! Moi, j'ai trouvé ça. Non, drôle. Non, je te laisse t'embourber dans ton gag, là. Ouais, rendu là, c'est pas vraiment un gag, mais bon. Faut dire que c'est un choix conditionnel que si King se s'entend avec le Canadien, parce qu'il devient UFA cet été, s'il s'entend avec le Canadien, le choix va devenir un choix de troisième ronde. Ouais, c'est ça. Ouais. Donc, Dwight King, qui est un jeune de 27 ans, moyen jeune, mettons. Qui a de l'air d'en faire 48. Avec sa moustache. Sa photo de profil était cohérente. Donc, en 63 games, il y a 15 points, donc 8 buts, 7 passes. Pour un défenseur, je t'aurais dit que c'est bon, mais c'est un attaquant. Donc, un gros attaquant de 6 pieds 4, 230 livres. Donc, ça va fesser. On va espérer qu'il soit rapide, comme je l'ai dit, pour être capable de frapper, justement. Pour être capable d'être difficile à jouer contre. Ouais, et voilà. Bon, mais quand même. Le Canadien n'a pas fini de bouger en cette journée, et je me souviens de la transaction du Canadien contre le Colorado. J'espérais, c'est là que ça se passe. Le Canadien envoie au Colorado Sven Andrighetto, donc... Holy shit! C'est fini, plus d'Andrighetto à Montréal. Il va enfin pouvoir se faire falloir avec une équipe de bas-fond, parce qu'il va clairement jouer top 6. Pour un jeune attaquant, c'est un attaquant, oui... Oui, c'est un attaquant, donc 26 un gauche de 26 ans, Andreas Martinsson. Il a scoré contre le Canadien cette année quand on a perdu comme 6 à 1. Un de ses trois buts de la saison était contre le Canadien. Fait que tu sais, les scouts du Canadien ont fait comme « Holy shit, il est vraiment bon! » Ouais, c'est ça. Donc, il a 7 points cette année en 55 games. Je suis en train de me dire que 7 points avec le Colorado, c'est quand même solide. Mais moins 10. Ce qui est intéressant, là, particulièrement dans cette transaction-là, c'est que on se grossit vraiment beaucoup. En termes de production offensive, est-ce que c'est vraiment un apport considérable de plus? Pas tant que ça. On parle de 8 points pour Andrighetto contre 7. Fait que, tu sais, c'est relativement la même chose. C'est vraiment une question de poids. C'est vraiment une question de taille. Dans ce cas-là, écoute, je pense qu'on peut rien dire de mal contre cette transaction-là. Les autres, on peut questionner globalement, parce que ça fait le tour là, de ce que le Canadien a fait. On peut questionner globalement si la stratégie qui est mise de l'avant par le Canadien de Montréal est la bonne. Mais tu sais, individuellement, il n'y a pas de transaction que le Canadien, grosso modo, perd. Là, les choix de 4e, 6e ronde, on s'en fout pas mal. Là. Par contre, est-ce que c'est le bon style de jeu? La question se pose. La Ligue nationale nous est mentionnée à tour de bras comme étant de plus en plus rapide. Et là, le Canadien va chercher des gros gaillards de 4e trio qui n'ont pas comme facette première, comme force première, leur vitesse. Non, c'est ça. Ben, moi, en fait, je m'étais pris des notes pour les échanges. Puis, en gros, ce que je me dis, c'est que le CH est rendu vraiment plus gros, mais vraiment pas plus talentueux. Là. Je veux dire, comme tu dis, il n'y a absolument rien qui change tant le visage de l'équipe. J'ai plus l'impression que Marc Bergevin commence plus à mettre l'équipe, mettons, avec les mensurations que lui, il aime bien. Des gros bonhommes, comme tu dis, ça, sont gros, ça cogne. Mais sinon, en tant que tel, c'est tous des joueurs qui vont ressembler un peu à ce que Bergevin était dans la Ligue nationale. C'est un joueur de soutien. Ouais. C'est pas un joueur élite. Tu sais, il y a quand même de quoi que Bergevin a dit, par exemple, à la conférence de presse, que je suis d'accord avec lui. En début de saison, le Canadien performait. En début de saison, le Canadien scorait. Tu sais, je veux dire, le Canadien était dur à jouer. Là, ça allait vite. Il contrôlait la rondelle. Il faisait toute sa glace. Puis tout d'un coup, le Canadien, c'est plus ça. Tu sais, je veux dire, quand il dit qui n'a pas pu faire une grosse transaction, parce que le Canadien, on va se dire, il n'a pas fait de grosses transactions. Il s'est pas vidé pour aller chercher d'autres stocks, mais quand même, je pense qu'il y a tellement confiance en son club qu'en début d'année, justement, ça marchait à planche, là, ça n'a même pas de bon sens, puis que tout d'un coup, ça marche plus. Je pense qu'il y a juste trop confiance que ça revienne. C'est peut-être pour ça aussi qu'il n'a pas fait de move. Bon, comme qui dit, le prix était trop élevé. Ça, par exemple, de mon côté, moi, je respecte ça. J'aurais-tu été content qu'il ait cherché Matt Duchene? Oui. Est-ce que j'aurais été content qu'il ait cherché Matt Duchene pour, mettons, Galchenyuk, McCarron, Sherbach, un choix de première ronde, Newlson, puis autre chose? Peut-être pas. Tu sais, je veux dire... je te le dis tout de suite, non. T'aurais pas été content. Non, mais c'est ça, tu sais. Mais... je sais pas, je suis quand même content qu'il ait pas genre vidé le club pour aller chercher des joueurs par rapport, puis en même temps, pis c'est tout des guesses, là. Moi, je vais juste vous rappeler une transaction que Marc Bergevin a déjà faite, pis c'est Raphaël Diaz contre Dale Weiss. Dale Weiss fait rien en ce moment, mais Dale Weiss a rendu des très bons services au Canadien de Montréal, pis peut-être, je dis pas non plus que ça va être un top 6, mais peut-être qu'un joueur là-dedans peut rendre de très bons services au Canadien de Montréal, tu sais. Mm-hmm. Ben, tu sais, je l'ai déjà dit sur le show, je l'ai déjà mentionné. Marc Bergevin, il own la ligue au grand complet pour tout ce qui est transactions impliquant des gars de troisième, quatrième trio. Jusqu'à date, là, je pense qu'il n'y en a pas une qui a perdu. Il n'y a pas une transaction que c'est lui qui s'est ramassé avec le moins bon produit entre les deux. C'est pas arrivé jusqu'à maintenant. Là où est-ce que Marc Bergevin est pas capable de stepper up sa game? C'est au niveau des attaquants top 6, des défenseurs top 4. C'est une ligue qui est très serrée, c'est une ligue qui est comptable, c'est une ligue où est-ce que ce genre de talent-là s'échange très rarement. Mais jusqu'à maintenant, il n'a pas prouvé être en mesure de le faire. Le plus proche qu'il a fait, c'est Vanek il y a 3 ans, pour un choix de deuxième ronde, et aussi Jeff Petrie pour un choix de deuxième. T'sais, il a été en mesure de se faufiler pour aller chercher, t'sais, frôler ça. Mais il n'a pas fait le grand coup de circuit. Par contre, hier, dans cette date limite des transactions 2017, il n'y en a pas eu de gros joueurs de même qui s'est échangé. Le plus gros joueur, c'est... ben, on l'a dit tout à l'heure, là, c'est... Kevin Shattenkirk. C'est Kevin Shattenkirk, tu sais, puis qui était... écoute, échangeable, oui, mais c'était tellement compliqué avec sa clause de non-échange, avec le fait qu'il devenait UFA, tu sais, le prix, tu le sais qu'il restera pas avec toi, fait que ça peut faire encore plus mal de faire ce genre de transaction-là. Mais il y en a pas, tu sais, des attaquants top 6, il y en a pas qui se sont échangés. Des défenseurs top 4, en dehors de Shattenkirk, il y en a pas non plus qui se sont échangés. Donc, dans cette optique-là, on peut pas en vouloir à Marc Bergevin. Là où est-ce qu'on peut se questionner, c'est à savoir si la stratégie qu'il a mis de l'avant est la bonne. Le type de joueur qui a été cherché, j'ai parlé de poids tout à l'heure, j'ai parlé de vitesse. On n'est vraiment pas dans la lignée de ce que la Ligue nationale fait depuis les 5 dernières années, qui est toujours en train de s'accélérer. On n'est plus dans le même... paradigme qu'on était avec Michel Therrien, que c'était toujours plus de vitesse. Là, tout d'un coup, t'as Claude Julien qui, lui, ben, tu sais, c'était Big Bad Drones, tu sais, il a donné probablement comme demande, comme liste d'épicerie à Marc Bergevin, hey, je veux des gros gars, ma 3 et ma 4. Il est allé chercher ça, tu sais, des transactions, je dirais pas plus faciles, mais tu sais, moins compromettantes. Mais est-ce que c'est vraiment la bonne stratégie? Est-ce qu'on n'est pas en train de revenir aux années 2000? Puis que le hockey est rendu ailleurs? Est-ce que le Canadien, aujourd'hui, est mieux nanti pour une route longue en série? Je suis pas convaincu. Même si chacune des transactions, individuellement, tu dis, ouais, il l'a pas perdu. Mais globalement, est-ce que ça te fait vraiment un meilleur club dans la réalité actuelle de la Ligue nationale? Moi, j'ai des gros points d'interrogation. Mais en même temps, est-ce que tu serais du genre à dire que les Canadiens sont perdants dans cette journée des transactions? Ouais, ben, tu sais, je te dirais que... c'est dur à dire si le Canadien est vraiment perdant. Moi, personnellement, là, je suis pas prêt à dire que les Canadiens sont perdants dans cette journée de transaction-là. Il y a beaucoup de sites qui citent comme étant perdants. Il y a entre autres le USA Today qui met le Canadien comme étant les plus grands perdants. Puis ils ont fait un top 5 des plus grands gagnants, un top 5, un bottom 5 des plus grands perdants. Position 1, c'est le Canadien. Ensuite, position 2, 3 et 4, c'est des joueurs qui sont perdants dans cette journée-là, comme Halak, qui reste dans les mineurs, qui a pas, t'sais, qui a pas trouvé preneur via une transaction, qui est encore coincé dans sa situation de merde avec les Islanders. Tu sais, les perdants, là, fallait creuser pour les trouver. Puis le plus flagrant pour eux, c'est le Canadien de Montréal. Puis ce qu'ils dénotent, je te le lis en anglais, là. Moi, t'as le traduire, ouais, plus simple. Bon, ils ont ajouté considérablement de poids et de la belligérance, donc de la hargne en Steve Ott, Dwight King, Jordy Benn, Brendan Davidson. Mais est-ce que c'est vraiment la bonne stratégie? Considérant que la game semble toujours aller de plus en plus rapidement de nos jours. C'est l'argument pas mal que j'avançais. C'est le questionnement que j'avançais aussi. Le Canadien s'est peut-être tiré dans le pied, même si, comme je le disais, transaction par transaction, tu te dis, ben, ils l'ont pas perdu, tu sais. Mais globalement, ça en fait-tu un meilleur club? Ça en fait-tu un plus mauvais club? Ben, tu sais, c'est sûr qu'un pick de sixième ronde, il jouera pas dans les playoffs. Tu sais, ça, c'est sûr et certain. Sauf que si, mettons, t'arrives avec une blessure, puis au lieu de rappeler un gars comme Charles Hudon, tu mets ça à glace, tu y votes, est-ce que t'es gagnant? Non, ça, c'est sûr. Mais tu sais, comme. Mais c'est aussi ça, là. Oui, mais. Je sais pas, moi là. Je sais pas non plus, on va le savoir éventuellement, mais non, la question se pose largement, là. Ben moi, il y a des joueurs que j'enlèverais à Montréal, là. Genre Brian Flynn, si ça remet les patins pour jouer sur la glace, il y a un méchant problème, là. Je veux dire, personnellement, là, ça a plus de place à Montréal. Torrey Mitchell, je sais qu'il joue ce soir, mais moi, là, même affaire. Je te mets ça dans les poubelles. Je veux dire, si t'as été chercher des joueurs, oui, ok, il travaille, oui, il est bon pour ci, mais personnellement, si t'as été chercher des gros joueurs pour montrer ta quatrième ligne, moi, c'est pas compliqué. Charles Hudon, je le montre sa quatrième ligne au centre, j'y mets des gros ailiers à côté de lui, là, pis personne va être touché. Mais Caron est capable de patiner, il serait capable de jouer avec Hudon. Il jouait avec Hudon en bas, ça allait super bien. Pis tu y mets un gros joueur à côté de lui. Tu y mets Dwight King, qui d'après moi a commencé sur le quatrième trio, va finir sur le troisième. Mais tu sais, Steve Ott, il a de l'expérience de Ligue nationale. Il va être capable de protéger les jeunes. Puis il va être capable aussi de montrer la job de protection à un mec Caron aussi, tu sais. Andreas Martinsson, ça aussi c'est gros. Ça va sûrement vouloir défendre ses coéquipiers. Tu sais, à date, le seul qu'on a vraiment vu jouer, c'est Jordy Benn à défense. Puis personnellement, moi j'aime beaucoup ce type de joueur-là. Un défenseur qui... C'est un bûcheron, là. Ben, c'est ça, mais c'est... Il a la barbe aussi. Ouais. Tu sais, c'est le genre de Josh Georges. C'est pas le genre de joueur qui est flamboyant ou peu importe, mais à la première partie que joue à Montréal, 5 tirs bloqués, 3 mises en échec. C'est efficace, simple. Oui, il y a quelqu'un qui nous demandait sur la POC, tu sais, nos impressions sur le jeu de Jordy Benn, puis moi, j'ai répondu, ben, tu sais, prends Josh Georges, mais avec 3 fois moins de salaire. C'est à peu près ça. C'est sûr. Puis ce que j'aime aussi, c'est que justement, tu sais, il est 1,1 million, puis il reste encore 2 ans à son contrat. Ah non, c'est pas un problème dans une masse salariale. C'est une excellente transaction. Là où est-ce que je trouve ça problématique, c'est que tu vas rechercher à peu près le même type de joueur en Davidson, aussi bon, peut-être moins, peut-être plus. Tu sais, c'est change pour change, mais t'as donné d'autres choses pour l'avoir, tu sais. Fallait que tu te débarrasses du problème qu'était Greg Patrin, puis on est content que Dallas ait mordu à l'hameçon. Mais il a fallu aller compenser dans une autre transaction pour Davidson, mais qui a permis... Tu sais, c'est un effet domino aussi, là, qui a permis de se libérer de Desharnais. Eux, est-ce qu'ils pensent qu'ils peuvent vraiment prendre la place sur le troisième trio au centre et permettre de mettre Ryan Nugent-Hopkins ailleurs que sur cette ligne-là, de le mettre sur le top 6 aux ailes? Probablement, là. Ah, sûrement. Fait que c'est un domino, tu sais, c'est de devoir compenser pour aller rechercher à peu près la même chose. Mais je suis pas contre le mouvement, tu sais, transaction par transaction. Je suis vraiment pas contre, là. Là où est-ce qu'on peut se questionner aussi, tu sais, je parlais de stratégie sur le type de joueur qu'on a été chercher. Il y a aussi sur l'ordre chronologique dans lequel on a fait ces mouvements de personnel-là. Marc Bergevin a tendance à faire ses moves complémentaires en premier. On en a déjà parlé, tu sais, il a signé les contrats de Mitchell, de Flynn, de Barron avant la date limite, pas la date limite, là, mais le marché des agents libres. Même chose pour Plekanec. Fait que quand il est arrivé sur le marché des joueurs autonomes, l'espace qu'il avait sous la masse salariale était pas mal moindre. Des joueurs comme Mitchell, Barron, Flynn, Plekanec sont pas mal plus négociables que les vedettes de la Ligue nationale, entre guillemets. Des vedettes, parce que le marché des UFO, on a souvent l'impression que c'est des vedettes, puis ça n'en est pas tant que ça. Mais l'espace que t'as pour négocier avec eux est coulé dans le béton, puis elle est plus petite. Puis c'est pas eux qui vont te rendre service puis signer moins, là. C'est pas avec eux que t'as le plus grand pouvoir de négociation. Il fait les choses souvent dans le mauvais ordre. On pourrait imaginer avec l'allégorie du pot avec les roches, tu sais. Tu mets pas ton sable en premier, tu mets ta grosse garnotte, puis après ça, tu combles les petits trous avec ton sable. Marc Bergevin fait l'inverse. Donc, ça peut le menotter quand il arrive le moment de faire les gros mouvements de personnel. Est-ce que le Canadien de Montréal, tu sais, mettons, là, on le sait qu'ils ont jasé, là, que Marc Bergevin a jasé avec Joe Sakic, ils ont fait une transaction ensemble. Il est allé chercher Andreas Martinsen pour Sven Andrighetto. Ils ont jasé ensemble, ça c'est sûr. C'est sûr qu'ils ont jasé aussi de Duchesne puis de Landeskog. C'est sûr, sur sûr. Il n'y a pas eu des jeux dans la Ligue nationale qui s'est pas demandé c'était quoi le prix. Au moment où est-ce que tu arrives pour faire cette transaction-là, c'est relativement tard le 1er mars. Le Canadien, excusez-moi, avait déjà à ce moment-là été chercher King, avait été chercher Ott, Davidson et Ben. C'est des salaires, ces gars-là, que tu ajoutes à ta masse salariale. Donc, est-ce que la transaction entre le Canadien, transaction potentielle, hypothétique, qui n'aura pas eu lieu finalement, est-ce que les négociations entre le Canadien et l'Avalanche pour mettre Duchesne ont avorté parce que le Canadien donnait pas assez ou parce qu'il n'y avait plus assez de place sur le plafond salarial pour pouvoir l'acquérir? On le saura probablement jamais. Mais il y a des questions à se poser. Il y a des interrogations par rapport à la manière de procéder de Marc Bergevin. Pourquoi tu ne l'as pas appelé pour y expliquer? Mais il retourne pas mes appels. Moi, je comprends pas ça. Non, mais c'est vrai. Est-ce que ça fait du sens? Je pense que oui. Là. Du moins, moi, ça me semble logique. Là. Non, c'est sûr. C'est oui, pour vrai, il n'y a pas de doute en tant que tel. C'est sûr que, comme tu dis, on le saura jamais. T'sais? Non, c'est ça, exact. Mais en même temps, regarde, moi là, personnellement, puis on le sait, il n'y a rien de gros qui s'est passé, à part Shattenkirk. Il n'y a rien, absolument rien de gros. Fait tu sais, on peut pas dire que Marc Bergevin était moins bon que les autres DG qui tentaient d'acquérir des gars de top 6. Il n'y en a pas qui ont sorti, tu sais. Non, c'est ça. Puis toutes les transactions, là, les grosses transactions, genre les Duchesne, les Landeskog, les Marc-André Fleury, puis tous les gros noms qui vont changer d'adresse, je vous le dis, ça va se passer au repêchage. Il y a beaucoup de grosses transactions, je crois, qui vont se passer cette année. En plus, avec Vegas, ça va tout changer la stratégie. Faut le dire aussi que tous les joueurs qui ont été acquéris, là, c'est tous des joueurs qui vont être probablement tous être disponibles au draft. Là. Je veux dire, tu sais, comme mettons, on s'entend à Pierre-Alexandre, P.A. Parento, qui a été envoyé à Nashville. Ce gars-là ne sera pas protégé à la fin de l'année. Hein. Non. Mais ça va leur permettre de protéger quelqu'un d'autre. Ou, tu sais. Bref, il y a des affaires qui vont. J'ai bien hâte au draft de Vegas pour qu'on puisse en parler. Et évaluer l'équipe, mais non, c'est pour vrai, la stratégie de la date limite cette année est clairement due au repêchage de Vegas. J'ai hâte. Maudit que j'aime ça. ce qui est un peu malheureux, par contre, avec le repêchage d'expansion, c'est que, selon ce que j'ai pu lire, ça ne sera pas dévoilé les listes de protection des équipes. Donc, on ne saura jamais qui a été protégé ou non. Probablement que c'est l'association des joueurs qui a demandé ça. Tu sais, ça protège l'orgueil puis la valeur d'un gars, hein? Ah, c'est sûr. Tu sais, quand tu sais, mettons que tu t'appelles Thomas Plekanec, que t'as pas été protégé, puis que t'as pas été pris, oh, t'as boy! T'as boy l'orgueil! T'essaieras après ça d'essayer de l'échanger. Je ne voulais même pas le protéger, il m'a donné un choix de 8. Oui, toi, c'est ça, qui n'existe ça plus. Existe pas, mais c'est pas grave. D'ailleurs, ça m'a flashé. Marc Bergevin, durant son point de presse, à la suite de la date limite des transactions, il est allé on a posé des questions à propos de Charles Hudon, à savoir, ouais, mais là, tu sais, t'as tellement de joueurs, qui sont là, qui sont contrat NHL, ça veut donc dire que Hudon, il pourra pas venir à Montréal, tu sais. On met une croix dessus. Puis il a répondu à ça, il y a aucun joueur ne passe trop de temps dans la Ligue américaine. Souvent, tu dis que tu l'as monté un peu trop vite. Tu regardes un joueur comme Thomas Plekanec, qui a joué dans la Ligue américaine et qui a connu une belle carrière dans la Ligue nationale, je n'ai aucun problème à laisser un joueur dans la Ligue américaine un peu plus longtemps qu'il ne le devrait. Est-ce qu'il y a quelque chose là-dedans qui t'allume une cloche? Ouais, ben, je sais que t'avais mis ça sur Facebook, là. Si tu veux, OK. Il utilise le passé pour parler de la carrière de Thomas Plekanec. L'attaquant le mieux rémunéré du Canadien de Montréal a connu au passé une belle carrière dans la Ligue nationale. Moi, je m'attendrais que ton attaquant le mieux payé connaît une bonne carrière. Mais il est encore sous contrat, j'espère qu'il est censé être bon. Quoique là, on le voit bien là, que c'est pas le cas, là, mais tabarouette, qu'il a connu au passé. C'est du passé, mon Thomas. Arrête de t'accrocher. C'est spoiler alert, t'es pas mal sûr qu'il sera pas protégé. On le sait. Il sera pas prendre non plus. Ouais, mais... c'est ça, exact. On va se le dire, là. Mais il y a quand même un plancher salarial pour Vegas, hein? Puis Plekanec peut être intéressant. Ouais, mais il va avoir des UFA, puis check les bains aller. Ça va être probablement plus de même qu'ils vont procéder, mais tu sais, on aura le temps d'en reparler. D'ailleurs, on a eu une demande spéciale d'un de nos auditeurs qui nous demandait si on allait simuler notre pêchage à nous. C'est Mathieu Petit qui nous demande ça. Si on était le DG de Vegas. Donc, ce qui implique de faire toute la liste de protection de tous les clubs. J'ai dit, j'y ai répondu, ouais, on va regarder, là, c'était premier lien, mais oui, ça serait intéressant à faire. On va voir. On va en faire une rough, là, vite fait. Ouais, non, c'est ça. On va gosser avec ça sur un coin de table. Protection, mettons, là. Ça va être facile, là. Inside joke. Je la raconte-tu? Si tu veux, écoute. Tantôt, avant l'enregistrement, Jerry dit « Appelle-moi quand tu veux pour enregistrer. » Fait que là, moi, j'ai dit « Ah, ça va être un petit peu plus tard. » Finalement, une couple de minutes après, j'ai dit « Ah, ça va être là maintenant. » Il dit « Ouais, j'ai pas de préliminaire partout. » Moi, j'ai répondu « Comme en prison. » À sec, pas de préliminaire. Donc, j'ai trouvé ça très drôle. Ah... OK, bon, on a dit revenons. Revenons à nos moutons. On a parlé que le Canadien de Montréal, comme les autres équipes, avait pas réussi à mettre la main sur des attaquants top 6, défenseurs top 4, à part Shattenkirk. Il y a quand même des joueurs intéressants qui ont été échangés hier. J'aimerais ça qu'on regarde ensemble, toi et moi, Jerry. J'avais Mathieu dans la tête parce que j'ai parlé de Mathieu Petit. On le salue. Jerry, j'aimerais ça qu'on regarde ensemble quel gars que tu as vu bouger hier dans la date limite des transactions que tu dis il aurait pu aider le Canadien de Montréal dans les deux plus grosses faiblesses qui sont d'avoir un joueur de centre de premier ou deuxième trio, voire un attaquant top 6 si on veut élargir un petit peu la discussion, et un défenseur top 4 de préférence à gauche. Quoique là, si on veut étirer la discussion, on pourrait y aller juste avec top 4. Est-ce qu'il y a des noms, toi, qui t'allument des cloches? Honnêtement, là, il n'y a pas grand, gros nom qui peut remplir ces... En tout cas, personnellement, mais tu sais... OK, attends une minute, là. On va aller vite, là. Les gros noms qui ont été échangés, là, selon moi, c'est Ben Bishop. 2 ans en retard, bien évidemment. On l'avait dit sur la POC. C'est ça, c'est un goaler, puis ça change rien. Mais tu sais, à part ça, il y a Kevin Shattenkirk. Peut-être Brian Boyle aurait pu aider le Canadien, mais pas sur un top 6. Non, t'sais, c'est limite. Il aurait pu être intéressant, là, pour vrai, là, mais pas sur un top 6. Martin Hansen, que tout le monde voyait à Montréal, là. Ouais. Non, c'est vrai. C'est non, là. Ça, c'est la transaction d'un DG qui a été la plus payante pour un joueur de marde, là. Ben, soyons francs, là. Martin Hansen, Ryan White, tout seul, ne valent même pas un choix de premier round. Je comprends même pas pourquoi. Moi, j'aime ça parce que Martin Lemay, qui essaye de trouver toutes les petites, tu sais, entourloupettes pour dire que finalement, c'est à peu près le même prix que payé par le Canadien pour Andrew Shaw, en disant, ouais, mais tu sais, c'est un choix de première ronde qui va être en frais de première ronde d'un repêchage plus faible. Le Canadien a payé 2 choix de deuxième ronde d'une année plus forte. Fait que finalement, le Canadien a payé plus cher Shaw que le Wild a payé pour Hansen. OK, les prix peuvent, selon comment tu regardes ça, s'équivaloir. Mais est-ce que le Canadien a fait ce move-là en se permettant donc de rêver à la Coupe Stanley avec Andrew Shaw? Non. C'est pas la pièce du casse-tête qui manquait pour le Canadien. Tandis que du côté du Wild, Enzal est la pièce du casse-tête qui manquait pour avoir une équipe all-around prête et aspirante à la Coupe Stanley. Donc, le prix, tu sais, ça dépend de ce que tu ramasses par la suite. Si le gain que tu ramasses, c'est une participation en série comme le Canadien de Montréal vise, ben, c'est ordinaire. Si le prix, c'est la Coupe Stanley, ben, quand même cool, hein? Fait que ça dépend, là. Mais de toute façon, on va se le dire, là, John Cheka a fait la job là-dessus, là. Il a demandé beaucoup, il a ramassé beaucoup, puis c'était la transaction la plus payante pour un joueur de marde. Effectivement. Bon, ben écoute, il a gagné à patente, là. Ben ouais, totalement. Ensuite, dans les joueurs qui auraient pu être intéressants pour le Canadien de Montréal, t'avais-tu d'autres noms? Moi, j'en ai une couple. Ben, Thomas Vanek revenait dans les discussions. Quand même une bonne saison cette année à Détroit. Là, il s'en va en Floride. Puis je pense que moi, pour la Floride, c'est un très bon move. Est-ce que tu l'aurais vu avec le Canadien de Montréal? Parce que moi, c'était un de mes choix. Ben, honnêtement... Ça a déjà fonctionné à Montréal. Je pense que oui, je l'aurais revu à Montréal parce que sur un top 6, il aurait probablement fait plus la job qu'un Lekkonen parce que Lekkonen, ça commence à s'effriter. T'sais, j'aurais aimé avoir un trio genre Galchenyuk, Gallagher avec Vanek à gauche. Puis le premier trio, tu y touches pas parce que ça fonctionne, même si Dano fait plus grand chose, mais ça fonctionne pareil. T'sais. T'es target sur ce que moi je m'étais imaginé aussi. Et là où est-ce que c'est intéressant, c'est que le prix n'est pas élevé, là. Dylan McElrath, là. C'est ça. C'est Dylan McElrath, hein? Écoute, pour faire un comparable, là, en termes de... Tu sais, c'est un gars qui flirte légèrement avec la Ligue nationale. Tu sais, Chris Terry, mettons, à Montréal. C'est à peu près l'équivalent, là. Tu sais, à peu près à même âge, à peu près le même parcours. Et ensuite, un choix de troisième ronde. Et en plus, Détroit ramasse la moitié du salaire de Vanek. C'est quand même assez intense. C'est quand même assez intense, là. Et donc, on s'entend que le prêt à payer, tu te déculottes pas pis tu te fais pas violer, là. Non, vraiment pas. Hein? T'sais, pour continuer dans notre thématique de joke à sec. Donc, moi, j'aurais pris de guess. Pas parce que Vanek est le meilleur attaquant sur la planète. Parce que Vanek te permet de combler une chaise sur une deuxième ligne. Comment je dirais ça? Le gars, c'est un prétendant à ce genre de poste-là, logiquement. Avec sa production offensive de cette saison, Thomas Vanek aurait été le troisième pointeur du Canadien de Montréal. C'est pas si mal que ça, tu sais. Non, c'est assez bon. Hein. C'est quand même assez bon. Il te permet donc de replacer certains joueurs dans leur bonne chaise. Et ça vaut beaucoup. Même si lui, personnellement, te produit pas un rythme que tu espérerais, quoique avec le Canadien la dernière fois, en saison, 15 points en 18 matchs. Puis après ça, en série, il avait donné, je pense que c'est 10 points. Attends un peu, je vais le trouver. Ouais, 10 points en 17 matchs. 10 points en 17 matchs. Tu sais, oui, il avait fini sa quatrième ligne, mais c'est parce que Thomas Vanek n'est pas un marchand de vitesse et Michel Therrien visait un club avec, avec de la vitesse. Ça concorde pas. Mais en même temps, tu disais un trio Gallagher, Galchenyuk et Vanek, pis c'est parfaitement ce que moi j'avais en tête, c'est que Galchenyuk n'est pas un marchand de vitesse non plus. Gallagher non plus. Et donc, tu adaptes le style de jeu de cette ligue-là en fonction des habiletés individuelles de chacun au lieu de les essayer de les transformer pour les mettre dans un moule d'un style de jeu qui ne leur convient pas et qui les essouffle. Moi, je pense que Vanek, oui, il avançait plus à fin. Pourquoi? Parce que tu l'as fait courir après à puck n'importe où, n'importe quand. Alors que ça a jamais été ça, son style de jeu. C'est de la faute à Therrien. Ben, possiblement. Je lance cette hypothèse-là. Qui est quand même l'air d'un bout d'eux, mais... Mais il te permet de mettre les bonnes personnes sur les bonnes chaises. Pourquoi, durant les playoffs de cette année-là, le Canadien est allé aussi loin? Parce que Price était bon, oui. Parce qu'on avait les éléments sur la bonne chaise. René Bourque avait passé la saison sur une deuxième ligne, ça ne marchait pas. Il arrive en playoff, il est sur une troisième. Avec LR. Ça marchait-tu? Ça marchait pas, pis. Pourquoi? Il était à la bonne place. Mm-hmm. Et cette année, encore une fois, ça aurait permis ça. Ça aurait permis que Lekkonen, au lieu d'être sur une 2, aurait pu glisser sur une 3. Aurait pu s'exprimer. Ouais, il aurait été plus à sa place. Ben oui, il aurait été contre des défenseurs pas mal moins dominants, plus à sa hauteur pour pouvoir produire. C'est pas tant individuellement ce que le gars t'amène, plus que le positionnement des éléments dans les bonnes chaises, qui lui, globalement, est plus avantageux. Puis au prix que ça aurait coûté, moi j'aurais pris le guest. Personnellement, ouais, là. Oui. Totalement. Est-ce qu'on aurait pu donner Sven Andrigato puis un choix de 3 pour Thomas Vanek? Probablement. Ben oui. Puis ça aurait été quasiment la même affaire. Je veux dire, non, on pourrait. En tout cas, personnellement, pour la Floride, c'est un très très bon move. Puis j'aurais aimé quand même le revoir à Montréal. Ça aurait été intéressant. C'est sûr que j'ai d'autres noms aussi qui me viennent en tête. Okay. Pour ce qui est de la défensive, oui. Moi, je pense qu'on aurait pu peut-être s'arranger pour aller chercher Mark Streich. C'était le deuxième nom que j'avais en tête. On passe pareil, toi pis moi. Ben oui, non, mais pour vrai, je pense que c'est probablement le défenseur qui était le plus intéressant sur toute la liste. Et là, je parle de défenseur NHL ready aussi. Mm-hmm. Oui, il y a d'autres défenseurs. On s'entend à part Shattenkirk, là, mais Shattenkirk, c'est autre chose. Mark Streit, c'était quelque chose qui aurait pu facilement être très bon sur un top 4. Pourquoi? Il est offensif. Il est quand même fiable défensivement. L'offensive, on s'entend qu'à Montréal, présentement, on en cherche. Oui. À part Radulov, Pacioretty, Galchenyuk, il n'y a pas grand-chose de. Il n'y a pas d'autres joueurs qui mettent de rondelles au net. Pas mal de vitesse. Moi, je pense que aussi, le Streit avec Weber, ça aurait pu faire un bon duo. Effectivement. Ça aurait permis de reculer d'une chaise, Emelin, le laisser ça à 2 ou même ça à 3, puis qu'il soit plus tranquille. Là. Parce que là, le jeu va vite pour Emelin, pas mal. Là. Ouais, ça commence. Ben, c'est pour ça aussi que tu as vu changer. Il y a eu des petits changements, tu sais. Il y a mis Markov avec Weber. C'est pas un marchand de vitesse non plus, mais l'intelligence au jeu, je pense. Moi, je trouve qu'ils vont très bien ensemble, personnellement. Mais justement, parce que c'est un duo hyper intelligent, c'est la simplicité au plus haut niveau. Donc, personnellement, c'est intéressant. Mais justement, à Montréal, Mark Streit, un retour, ça aurait été quand même. Moi, j'aurais aimé ça, honnêtement. Je trouve ça quand même drôle qui a été fait. Une petite anecdote rapide. Mark Streit était avec les Flyers, s'est fait échanger à Tampa Bay, et par la suite, s'est fait rééchanger aux Penguins de Pittsburgh, donc les ennemis des Flyers. Moi, je suis pas mal sûr que les Penguins aient appelé les Flyers pour se renseigner auprès de Mark Streit, puis qu'ils ont fait « No way » qu'on vous échange ça de leur bord. Fait que c'est très, très drôle, puis c'était un bon move aussi de Steve Eiserman qui s'est juste comme libéré de l'espace sa masse salariale, mm-hmm. Ça a même pas de bon sens. Fait que non. Fait que dans le fond, le Lightning de Tampa Bay, pour avoir joué l'entremetteur, finalement ramassé. Attends un peu. Ils ont ramassé Ils ont donné un Phil Poula, donc ils sont débarrassés de ce poids-là financier. Un choix de quatrième puis un choix de septième. Ils ont ramassé Strait. Après ça, ils ont envoyé Strait contre un choix de quatrième ronde. Fait que dans le fond, ils se sont débarrassés du salaire de Phil Poula et d'un septième pour avoir de l'espace sur le plafond. Quand même c'est pas ça. Si mal, là. C'est sûr que Mark Streit, le Lightning retiennent 50% du salaire de Mark Streit. Puis à la base, les Flyers retiennent 4,7% du salaire de Streit. Je trouve ça drôle de 4,7? Nice! Ouais. Ils ont ramassé les taxes. Ouais, ben c'est ça. Fait que non, c'est ça. Sinon, j'avais comme un autre joueur qui me venait en tête. Ouais. Pas nécessairement pour un top 6, mais un joueur qu'on a vu quand même souvent à Ottawa. Un prospect qui a plus sa place vraiment dans l'équipe, qui a été échangé à Calgary. Je parle de Curtis Lazar. Ouais, là, c'est une question de proximité géographique et de possibilité que les deux équipes s'affrontent éventuellement en série. Je pense pas que ça aurait été possible. Est-ce que ça aurait été un bon guess? Tu sais, il y a une passe, un point en 33 matchs cette saison. Là. Ouais, mais là, il est blessé. Il s'est blessé aussi à la fin de l'année passée. Tu sais, t'as qu'à ça, tu gardes André Ghetto, tu sais. Ouais, mais j'ai pas plus de grit. Il est plus gros. Il est dur à jouer contre. Oui, effectivement. Non, non, mais je sais pas. Curtis Lazar, je pense que j'aurais aimé ça. Faites un petit guess, mais ça, c'est une mention honorable. Là, genre, oh, ouais, là. Non, c'est bon, c'est bon. Sinon, il y a rien d'autre de vraiment intéressant, je crois, qui aurait, t'sais, qui aurait été vraiment le fun d'avoir à Montréal. Mm-hmm. T'es pas de ceux qui disent « Ah, oh, Ingun, là, ça aurait été le fun? » Ben, il y a une partie de moi que je te dirais oui. Parce que c'est Higgin là. À cause du nom, là. À cause de. Ouais, ben ouais. C'est ça. Puis, tu sais, je veux dire, si tu regardes la transaction, honnêtement, c'est quand même intéressant pour les Kings. Parce que eux autres visent vraiment la coupe, on s'entend. Puis, c'est le genre de joueur qui peut sûrement leur rendre service. Mais un Higgin là à côté d'un Anze Kopitar, probablement que la game va augmenter, là. Ça va sûrement être sur un troisième trio parce qu'il ralentit, là. Mais... En termes de vitesse, pas sûr qu'il est encore là. Je pense que c'est un beau dernier tour de piste. Une chance, écoute, minime pour la coupe, mais quand même une chance pas mal plus déjà que l'Avalanche, on s'entend. Là où est-ce que la condition de transaction est intéressante, c'est que... ben, intéressant dans le sens weird de la chose, c'est que l'Avalanche reçoit un choix conditionnel de quatrième tour et retient 50% du salaire de Higgin. Là. Si jamais les conditions qui... C'est comme ça que c'est écrit, là. Si jamais les conditions entourant le choix de quatrième ronde sont elles sont en lien avec les séries, la possibilité qu'Higgin là signe un nouveau contrat avec LA, si les conditions ne sont pas réunies, selon Darren Drigger, on rapporte que l'Avalanche pourrait ne rien recevoir du tout. Donc, pourrait payer la moitié du salaire de Higgin là pour qu'il joue ailleurs et ne rien recevoir en retour. Juste se débarrasser du contrat. D'après moi, c'est Joe Sakic a perdu un pari. Là. Ils ont joué au poker. Pis, il a donné Higgin là. C'était ça ou sa chemise. Ouais, ben c'est ça. Mais je trouve que, tu sais... finalement, c'est pratiquement rien, là. Tu as juste à pas leur signer, là. Puis le deal tombe à l'eau, là. Si je comprends bien, il faut qu'ils signent, il faut qu'il y ait de quoi d'autre en lien avec des performances, probablement, ou avec les séries par rapport à l'équipe. Fait que tu as juste à pas leur signer, puis merci, bonsoir, là. Les Kings sont souvent ça, d'aller chercher des joueurs, puis qu'il faut qu'ils finissent leur année-là. Hein, mm-hmm. Comme le Cavalier. Ouais. Oh, et que lui, c'était déjà décidé d'avance qu'il prenait sa retraite. C'était n'importe quoi. Tu sais, obligé de prendre sa retraite. Le gars, il aurait pu continuer à jouer, genre, c'est un quatrième trio s'il avait voulu, là. Mais non. Là, tu vas prendre ta retraite. Ça fait partie du deal. OK. Pour moi, c'est que les mauvaises décisions de signature, des fois, sont pas juste auprès des DG. Ben oui. Sont auprès des joueurs. Ben oui, c'est. Ben, il pouvait pas le prendre, tu sais. Tu offres tel montant. Hein. C'est sûr qu'il va le prendre, mais c'est les équipes qui ont pas vu que le changement, tu sais, avec avec le jeu plus rapide. Tu sais, le Cavalier, ça a jamais été un marchand de vitesse, tu sais. Avec l'accrochage, c'était à son avantage, mais plus là, là. D'ailleurs, ça me fait penser, là, les Sénateurs d'Ottawa que j'aime beaucoup, là, que je les suis pas mal vu ma situation géographique, ont donné un top prospect en attaque en Jonathan Dahlin, qui est le meilleur pointeur de son équipe, je pense qu'il est en Suède, si je me trompe pas, juste sortir sa fiche. Qui est né... Bon, OK, DB qui donne pas son pays. Première division Suède. OK, bon, c'est un Suédois. Donc, ils ont donné... il est le meilleur pointeur. Là, un point par match. C'est un bon prospect en attaque. Pas très grand, 5 et 11. Mais il donne pour aller chercher Burrows. Ben ouais. Alexander fucking Burrows. Ben d'après moi, eux autres se sont dit « Hey, Burrows, je jouais avec les Sedin, il était bon. T'as juste comme 3 ans en retard, mais... » Tu sais pas. Là. Mais attends, là. C'est pas juste que. Ah, j'ai joué avec Cédine, pis il a 20 points moins 3 en 53 games. C'est un gars qui a énormément ralenti. Il joue sur une 3. Et il a été dur à échanger. Pourquoi? Parce que le gars, il a une clause de non-échange. Qu'est-ce que Pierre Dorion fait le lendemain de la transaction? Donne un contrat de 2 ans avec une clause de non-échange. Tu me niaises? Qu'est-ce que c'est ça? À 35 ans, ça sent la fin dans 2 ans. Que c'est ça? Ah, c'est sûr, mais peut-être aussi que le changement d'environnement va aider Burrows. Ah non, mais là, ça ne donnera pas des ailes, là. Un changement d'air, là. C'est pas comme un Red Bull pis de la Coke, là. Ouais. Ben, Guy Boucher, man. Ah, mais là. OK, Guy Boucher. Non, mais comme si j'allais dire ah ok ouais ouais ouais Guy Boucher là c'est un power pack. Tu le plugs sur un joueur, il fait 8 heures de plus de charge. Non mais tu sais pas, peut-être que Guy Boucher va y apporter quelque chose que qu'il avait pas à Vancouver là. Hey, Guy Boucher fait des miracles en ce moment avec l'équipe là, ouais, pour ouais, vrai, non, là. C'est pour vrai là. Fait que tu sais pas là. Écoute, 2,5 millions pour 2 ans encore à chaque année là. Moi, je comprends pas. Puis, en fait, je comprends de le signer, le gars. C'est correct, 2,5, c'est pas énorme. C'est la clause d'un non-échange. Pourquoi tu te menottes de même pour un gars de troisième trio? Ouais. En fait, là, tu devrais avoir un statut élite. Pour pouvoir avoir accès à ce genre de clause-là. Oui, ouais. Clairement. Clairement. Je comprends. Un minimum de 60 points l'année d'avant pour avoir le droit à ta clause de non-échange. Genre. Pour un défenseur, faut que t'aies joué minimum 20 minutes par game. Tu sais, des affaires de même. Ouais, c'est ça. Puis tu peux en mettre une, mais faut que. Après, même si ta clause d'un échange, c'est un contrat de 5 ans, mais après la troisième année, si tu remplis pas les conditions d'eux, ben ta clause d'un échange, too bad, est pas bonne. T'sais. Fait que ça va forcer le gars à faire des points. Puis, hey, tu sais. Hey, je pense qu'on a quelque chose, nous autres. On a tout. Ben, ça passera pas, là, mais on a de quoi. Ouais. On a quelque chose! OK. Suite à cette date limite des transactions 2017, est-ce que tu penses que le Canadien de Montréal est aspirant pour la Coupe Stanley? Non. OK. Non, okay. On va être honnête, là. Ouais, je suis tout à fait d'accord avec toi, là. Mais on n'est pas fin, hein, de dire ça. On n'est vraiment pas fin. Ouais. OK. On jase, là. Pour le fun, là. Toi, là, ton carré d'as, ça serait qui? Deux dans l'Est, deux dans l'Ouest. Bon, j'ai pas checké le classement, fait que je sais pas qui se pogne contre qui en premier. Non, mais... non, on s'en calisse, deux dans l'Est, deux dans l'Ouest. T'es meilleur club. Ben, honnêtement, on est obligé de mettre les Pingouins, parce que c'est eux autres qui ont gagné l'année passée. Ils se sont quand même améliorés, je trouve, personnellement. Washington... T'as comme pas le choix, man. En plus avec Shattenkirk, ça va chier comme Mongol comme équipe. Là. Fait que dans l'Est, je serais porté à croire que ce serait Washington et Pittsburgh qui pourraient. Juste plate parce qu'ils ont la même division. Fait que là, justement, ils se pognent compte. Pas grave, on s'en calisse. Non, mais ok, bon. T'as c'est dit, ça. Les deux meilleurs des deux bars. Puis, mention spéciale quand même à Columbus qui, d'après moi, va être l'équipe Cendrillon cette année. Hey, on sont tous du même bord. Ouais, ben c'est ça. La métropolitaine est forte. Non, je pense, moi personnellement, ça serait Washington-Pittsburgh avec mention spéciale à Columbus. Okay. Pour ce qui est de l'Ouest, regarde, San Jose, je pense qu'on n'a pas le choix d'y mettre là-dedans personnellement. J'ai trop fort. L'année passée, on était en finale de Coupe aussi. Il y a un Brent Burns qui éclate. Ce gars-là, on se le dit tout de suite. Regarde, spoiler alert, c'est le Norris cette année. Ben, moi, je serais pour qu'il ait gagné Norris et joueur le plus utile. Ouais, carrément. Pour vrai, c'est Mongol. Je pense qu'il va battre des records de Bobby Orr. Regarde, c'est Mongol. Ce défenseur-là, en ce moment, domine la ligue. T'as-tu dit que c'était Mongol? Je pense que c'est Mongol. C'est mongol. En plus, il a la bouille d'un mongol. Non, mais en tout cas, San Jose, pour moi, j'ai vu encore dans le carré d'os. Et écoute, Minnesota, je ne les imaginais pas vraiment, mais zéro en haut à ce point-là. Comme tu dis tantôt, on était chercher des petits, comme mettons, Anzal puis tout, vraiment pour combler des petits trous au puzzle. On a fait ça dans le bon ordre. Ben, c'est ça. Non, personnellement, je pense qu'ils sont quand même assez solides. Bon, Devin Dubnyk, c'est quelque chose aussi qui est assez intense. Y a-t-il déjà passé dans l'organisation du Canadien, puis on s'en est comme ben pas servi? Oui. Parce que, tu sais, quand moi, je m'amuse là à faire des idées là, en dehors de la boîte, là, en disant que Carey Price n'est pas ultimement nécessaire aux Canadiens, là. Mettons qu'on était l'élastique, puis on vit dans un monde imaginaire où est-ce que les directeurs généraux réfléchissent autrement que comme tout de la même manière tout le temps, là, puis qu'ils pensent autrement. Là. Carey Price n'est pas essentiel au succès du Canadien. La preuve, avec Dubnyk dans les deux dernières saisons, il y aurait probablement eu des meilleurs résultats le Canadien de Montréal. Mais bon, on l'a laissé partir pour rien, tu sais. À date, Devin Dubnyk est meilleur que Carey Price. Depuis deux ans. C'est ça. Puis juste, on va faire une petite parenthèse sur, mettons, Minnesota a un différentiel de but pour, but contre de plus 62. Ça, là, c'est le deuxième meilleur en arrière de Washington. Ouais. Qui sont à plus 73. Ces deux équipes-là, présentement, dominent la ligue. Sont assez puissants. En fait, je vais même faire une... Je crois que la finale de la Coupe cette année va être les Washington contre Minnesota. Oui, je me base sur des statistiques, mais en même temps, je veux dire, ils sont pas là pour rien. C'est les deux équipes, je pense que c'est le top 2 de la ligue en ce moment. Mm-hmm. Fait que c'est... sont juste trop forts pour la ligue. Oldby, Dubnyk, ça va être un duel mongol. Ils ont des Ovechkin, des... Parisé, pas Bird, mais Souter. Tu sais, il y a du talent des deux bords, là. C'est très équilibré. Il n'y a pas de faille apparente. Tu sais, ils ont tout ce qu'il faut. Pour vrai, là, c'est magique. J'ai ma mention spéciale à Edmonton, parce qu'ils vont enfin faire les séries. Puis, tu sais, avec McDavid, tu peux croire. Effectivement, puis ça serait malade, puis je sais que ça n'arrivera pas, mais imagine une finale de Coupe Stanley, Columbus-Edmonton. Ça serait malade. Ben, ça prouverait encore une fois que reconstruire, c'est payant. Et voilà, ça changerait la mentalité. Ouais, et donc, moi, j'ai exactement le même carré d'as que toi. Exactement. Et ça m'amène à mon prochain point, OK? Ça fait un show plat, ça, par exemple. Non, mais tu vas voir, parce que ça a juste fait que j'ai pas eu besoin de redire les mêmes affaires que toi. On saute tout de suite à la prochaine étape. Si dans nos têtes, à nous deux, là, il y a pas de débat, on a les deux le même carré d'as, là, qui sont clairement les équipes les mieux nanties, les plus dominantes. Pourquoi tant d'acheteurs? Pourquoi le Canadien, quoique là, tu sais, cette année, ils sont pas départis de grand chose, ça a pas coûté cher, là, mais il y a bien des équipes qui se sont départis de. Auraient pu se départir de bien du matériel pour pouvoir aller chercher un gros joueur, tu sais. Il y a bien des équipes qui font une transaction pour, entre guillemets, se donner une chance en série parce que, entre guillemets, tout peut arriver une fois en playoff. Ces quatre équipes-là qu'on a mentionnées, que tu as mentionnées, que je chapeaute tes choix, j'abonde dans le même sens, pour moi, sont logiquement dans cette position-là. Sont logiquement les équipes qui vont se rendre là. Sont logiquement les seules équipes qui ont rien à perdre à se colisser de leur futur puis à miser all-in pour le présent. Ça donne quoi, donc, d'avoir 8000 acheteurs pour deux vendeurs? Si tu gagneras pas plus la coupe. Ouais. C'est quoi cette notion-là de vendeur puis d'acheteur, là? Si on attire, là, ben, encore plus loin, là, dans ma rêvasserie de gars qui dit un peu n'importe quoi sur le hockey, selon bien des gens, que je salue, et que j'invite sur le show, d'ailleurs, j'ai lancé l'invitation pour les gars de la soirée du podcast. Sont cool, sont nice. J'adore leur show. Qu'ils viennent jaser avec nous autres, ça serait vraiment nice. On les invite. Je me permets de lancer des idées, je me permets de rêver, je me permets de penser en dehors de la boîte, tu sais. Je me permets ça, tu sais. Probablement que tout ce que je dis, si ça arrivait, ça marcherait pas. Il y aurait des affaires qui marcheraient, il y en aurait d'autres qui marcheraient pas. Mais je me permets le loisir d'extrapoler, de réinventer le monde à ma façon. Je me permets ça. Et dans mon monde, je me demande en maudit comment ça se fait qu'il y a un concept de vendeur et d'acheteur. Comment ça se fait que c'est pas juste un concept de « Hey, toi là, DG de l'autre équipe, voici ce que j'ai de besoin, voici ce que toi t'as en surplus, voici ce que t'as de besoin, et voici ce que moi j'ai en surplus. Hein? Nous sommes dans la même division. Pas grave. Hein? Mais oui, mais tu es mon adversaire. Pas grave. Hein? Tu es en dernière position. Pourquoi t'as des parties de tous tes effectifs qui ont un peu de valeur et qui sont pas trop vieux? Pourquoi? Pourquoi pas essayer de combler tes faiblesses en donnant un petit peu de tes forces pour équilibrer le tout? Ce serait pas une façon un peu différente de faire? Les Oilers d'Edmonton ont beaucoup trop d'attaques. Ben, beaucoup trop. Ont beaucoup d'éléments d'attaque très forts. Ont besoin de défensive. À l'inverse, il y a des équipes qui ont beaucoup de défensive et très peu d'attaque. Peu importe leur rang, pourquoi ces formations-là ne feraient pas des échanges entre elles? Comment ça qu'il y a des vendeurs puis il y a des acheteurs et non pas juste des clubs qui veulent combler leurs faiblesses en diluant leurs forces? Ça me dépasse. Je suis d'accord. C'est... J'haïs ça, le... Tu sais, mettons, comme je t'attends, on s'est parlé, là, Mark Streit, tes Flyers à Tampa pour ensuite aller à Pittsburgh, là. Comme je dis, je serais vraiment pas surpris que Pittsburgh se soit dit « Hey, on a besoin d'un def offensif, on va aller chercher Mark Streit. » Puis que les Flyers ont dit non, juste parce que c'est les Pingouins. Peut-être pas. Parce que tous les DG ont peur de mal paraître. Mais ouais, au lieu de... Tu sais, je disais ça sur le dernier show, c'est au lieu de jouer pour pas perdre, si on jouait pour gagner, ça pourrait être le fun, tu sais. Et si on faisait une transaction pour s'améliorer au lieu de ne pas se nuire? C'est juste une question de mentalité, tout ça, là. Les Pingouins visent les playoffs, ont besoin d'un défenseur. Mark Streit est intéressant pour eux autres. La formation des Flyers a pas de gardien de but depuis 60 ans. Hein? Ça donne bien. Les Pingouins en ont deux. Pourquoi ne pas faire une transaction ensemble? Qui sait? Les deux équipes pourraient être gagnantes. Ça, c'est parce qu'on comprend pas le hockey, ça. Sûrement, sûrement, sûrement. Mais vous autres, là, les auditeurs, vous en pensez quoi? Le concept d'acheteur puis de vendeur? De ne pas vouloir perdre une transaction pour pas perdre la face au lieu d'essayer de s'améliorer. Je veux savoir votre opinion là-dessus. Je veux vous entendre, je veux vous lire. Vous êtes vraiment nombreux sur la page Facebook de la POC. C'est vraiment cool. Des belles discussions, dans le respect, on aime ça. Et on en veut encore, on en veut toujours plus. Autre petit constat. Dans ma tête à moi, là. J'ai lancé ça sur l'univers de Twitter. J'écrivais ça. Tu me diras ce que t'en penses. Soyons francs, pour être aspirant à la Coupe Stanley, ça prend 4 attaquants, 3 défenseurs dominants et un gardien de but opportuniste. Les Canadiens n'ont pas cela. Qu'est-ce que t'en penses? Ben, les Canadiens n'ont pas cela. Répète-moi donc ça, là. OK. Ça prend 4 attaquants et 3 défenseurs dominants et un gardien de but opportuniste. En ce sens qu'il n'a pas besoin d'être le meilleur au monde. Il a besoin d'être bon quand ça compte. Ouais. Ben, tu sais, le goer, on l'a, pareil. Ouais. Les 4 attaquants, t'as Patio Radulov, Galchenyuk... Bon, j'ai de la misère à trouver un quatrième vraiment stable. Donc, on est à 3. On est à 3. Défensivement. 3 défenseurs dominants. On a Weber. Ouais, dominant, c'est ça. Il y a Weber qui est fort. Markov, tu peux pas dire que Markov n'est pas fort. Mais il est pas dominant, là. C'est une troisième roue du carrosse, mais Tu peux pas te baser sur lui, là. Non, mais il est quand même solide encore, pour vrai. Ouais, mais il est pas dominant. Ben, j'ai le goût d'aller voir ses stats, là, vite de même, j'y trouve pas, là. Mais il est quand même encore dans le top, là. Il a 4 buts, 23 passes, 27 points en 45 matchs pour plus 4. Pour Markov qui vieillit pis tout, je m'excuse, mais c'est dans. Enlève l'âge! Hey, moi je le lève. Oui, tu non, peux. Non, je sais. Enlève l'âge. Est-il un défenseur dominant? À Montréal, oui. Non, dans la Ligue nationale, est-il dominant? Non, ok, c'est beau. Bon. Donc le Canadien a un défenseur dominant. Ah ouais, c'est sûr, il n'y a rien d'autre vraiment de. Ah, hey, Brendan Martin, ça? Non, Davidson, là. Ouais, Brendan Davidson. Non, non, ça serait pas. Ça, c'est quelque chose. Ouais, ouais, mais non. Non, je suis d'accord pour vrai. Oui, il manque du stock, mais c'est quelques pièces de puzzle. C'est sûr qu'il faudrait comme. C'est quelques pièces? C'est un attaquant et deux défenseurs dominants. Tu vas chercher ça comment, toi? Au repêchage! Ouais! Il y a Sergachev qui s'en vient. Avec Super Timmins! Ouais, Sergachev, chose, d'après moi. Yulsson est promis aussi à un grand avenir. T'as tes deux défenseurs d'être là. Ouais! Dans puis trois ans. Il faut que tu re-signes Radulov. Là. Il faut que tu leur signes parce que. Bien important en maudit okay. À Montréal. On va en jaser sur le prochain show. Là. Ça fait quand même un bon bout qu'on enregistre. Puis, ben, on a une dernière section. Parce que je te coupe l'herbe sur le pied. Ben, Radulov, je pense que c'est le sujet d'un show quasiment à lui tout seul. On va en jaser pas mal. Spécial Radulov. Quasiment. Mais on va avoir l'occasion d'en rejaser un peu plus tard. Là. Ça presse pas pour le moment. J'ai eu de quoi de bien mal fun aujourd'hui. Mon oncle m'a envoyé une photo bien spéciale de lui, de mon père, qui est mort aujourd'hui. Pas aujourd'hui, là, mais en ce moment, il est décédé. Donc, depuis un bout de temps, là, mais en ce moment. Parce que. C'est en train de créer un malaise, toi. Un peu, oui. Je veux que vous ayez de la peine pour moi, gang de sans cœur. Non, j'avais 8 ans. Fait que ça fait un bout. Et donc, cette photo-là, c'est la fameuse histoire que j'ai racontée à propos de mon oncle qui a gagné une journée de rêve avec Jean Béliveau, avec ben, son père, mon père, lui et Jean Béliveau quand il était jeune. Il a eu son chandail, le dernier qu'il a porté en carrière, et qui, plusieurs années plus tard, il l'a revendu 5 000 $ et le gars qui l'a acheté l'a revendu lui pour 50 000 $. C'est un des objets de hockey les plus chers ayant été vendus en enchères. Donc, cette photo-là que j'ai reçue aujourd'hui m'a amené un petit sujet de réflexion. Sur nos plus beaux souvenirs de hockey. Et j'ai demandé aux gens à savoir c'est quoi leur plus beau souvenir de hockey. Et on a eu quelques réponses. Mais avant, ou si tu veux attendre après les témoignages des gens, je te demanderais, toi, Jerry, c'est quoi ton plus beau souvenir relié au hockey? Quand j'ai commencé à aimer le hockey, c'est bon, ça? Ben, ça peut être ça. C'est un bon moment, en fait, là, un bon souvenir. Mon bon souvenir, en fait, c'est assez. Ben, c'est un peu ça. C'est le début de la découverte du sport qu'est le hockey. J'en ai quand même un peu parlé dans les premiers shows quand on a parlé de ça. Puis c'était en 2004. Dans les séries éliminatoires, tu sais, moi, j'ai pogné ça dans le gros fun. Ouais. C'est à ce moment-là que j'aimais. Tu sais, genre, j'ai comme regardé ça. Puis je trouvais ça vraiment intéressant. Puis bon, j'avais des amis qui aimaient ça. Fait qu'on en jasait. Je pense que c'est de là qu'un peu la passion du hockey est vraiment née. Fait que ça, pour moi, c'est quand même un très, très beau moment. Je peux pas aussi passer à côté de ma première game au Centre Bell. Ça, c'était... Pour être genre, je trippe hockey solide. J'adule les joueurs du Canadien de Montréal. Puis je suis là-bas en train de regarder sa glace. Ça, pour moi, c'était quelque chose d'assez intense. C'est pas mal ça. Aller voir une game avec toi aussi, c'était pas mal ça à coche. On a eu du fun. On a eu du fun. Ouais, non, mais c'est ça. Je pense que c'est juste la découverte vraiment de ce sport-là qui, pour moi, est genre le meilleur sport au monde. Puis j'ai appris à aimer le sport, à vraiment élargir mes connaissances. Tu sais, comme. Ben, tu es de la merde avec moi sur le show. Ben ouais, tu 57 buts patio, c'est peut-être cette année. non, c'est vraiment ça. Pour moi, c'est la découverte de l'amour du sport, du hockey, qui... C'est un très beau souvenir pour moi. Puis regarde, je vais aimer ce sport-là toute ma vie, puis... On va faire 48 saisons de la POC, puis ça va être ça. À rien de moins. Ouais. En bas de 48, on serait déçus. Ouais. Ouais, puis on peut faire des saisons de un show, là. Mais qu'on soit étonné. Moi, tu sais, je te dirais que c'est des matchs, tu sais, au Centre Bell, durant les playoffs. Tu sais, j'étais allé voir un match en deuxième ronde contre Tampa il y a 2 ans. Il y a 3 ans, en finale de conférence contre les Rangers. Tu sais, c'est, le Canadien, tu sais, sur le côté divertissement, tu sais, l'enrobage de la game de hockey, c'est magique, là. Si je vais en, tu sais, plus loin souvenir, ben, tu sais, c'est mon amour du hockey vient de mon grand-père qui est un gros fan, que tu sais, j'allais souvent chez lui, puis tu sais, m'endormir sur le divan en écoutant la game de hockey, tu sais, un nombre incalculable de fois. Sinon, ben, tu sais, ça a toujours été, j'ai toujours aimé plus l'englobage de la game que le match en tant que tel, tu sais, les rumeurs, les signatures de contrat, vous le voyez avec la POC, là, tu sais, l'orientation qu'on a, tu sais, sur les contrats, sur les stratégies de direction, des, tu sais, de DG, c'est ça, tu sais, c'est cet enrobage-là qui m'a toujours plu énormément. Et donc, tu sais, les moments de hockey que je préférais, c'était les dates limites de transactions, le marché des agents libres. Écoute, les matchs aux Olympiques aussi, là. Tu sais, de voir les meilleurs joueurs de la planète, ton pays, tu sais, à un moment donné, peu importe l'équipe pour laquelle tu prends, tu sais, tu peux prendre pour n'importe qui, n'importe quelle ville, mais il y a un attachement qui pas qui est distant, mais qui est un peu sur, tu sais, basé juste sur une émotion, mais tu sais, un pays, ça reste toi, tu sais, que ça reste toi et toutes les autres personnes de cette place-là, tu sais, unis derrière une seule et même entité, tu sais. C'est rare, tu vas voir un Canadien prendre pour la Suède, genre aux Olympiques, dans le match de hockey, tu sais. Cette unification-là, tous derrière une équipe, c'est assez magique, là. Ça, ça m'a toujours pas mal allumé. Fait que, tu sais, je dirais que c'est pas mal ça. C'est chaque visite dans un aréna de la Ligue nationale pour voir une game, c'est toujours, tu sais, tant que je serai pas payé à vivre la Ligue nationale comme emploi, puis c'est, tu sais, c'est un beau rêve que je caresse puis que je travaille à atteindre éventuellement. Tant que ça sera pas arrivé, ben chaque match sera unique et un maudit beau souvenir d'avoir pu vivre une game la Ligue nationale dans un amphithéâtre. C'est toujours magique. Sinon, ben, on a eu quelques témoignages. Il y a Mike Tremblay qui nous joue du Spermatozoïde et de un podcast presque parfait qui nous lance deux anecdotes, deux histoires, deux souvenirs. Il nous dit, comme premier souvenir, il dit « Mon oncle est déjà allé chercher Guy Lafleur à l'aéroport de Sept-Îles avec sa Cadillac. » Et Mike, c'est un gars de Port-Cartier, donc qui est pas très loin de là. Et il avait été avec son oncle pour porter Guy Lafleur à Cadillac. Et Guy Lafleur lui avait signé une carte de hockey de lui avec le Canadien, je pense, ou les Rangers peut-être à ce moment-là. L'avait tendu au petit Mike. Et Mike a refusé en disant qu'il prenait pour les Nordiques. Guy Lafleur, il a frotté les cheveux en disant « Tu fais bien, tu prends pour une bonne équipe. » Puis 2 ans après, il a signé pour les Nordiques. Il a signé avec les Nordiques. C'est fou pareil, hein? C'est hard en maudit, ça. Mais tu sais, il faut dire que Guy Lafleur avait joué son junior à Québec, tu sais. Fait qu'il pouvait pas détester les Nordiques sur le. T'sais, surtout pas t'sais, aux yeux d'un gamin, tu sais. Il était pas pour. En tout cas, il était pas pour briser son rêve de gamin d'aimer les Nordiques, tu sais. Deuxième anecdote, il dit à un moment donné, j'ai rencontré Jean Béliveau. Alors qu'il jouait au hockey junior, ben pas Jean Béliveau, mais Mike, il jouait au hockey junior. Puis il avait dit que c'était un honneur de rencontrer un joueur aussi grandiose. Fait que là, Jean Béliveau, il a demandé, toi aussi tu joues au hockey? Puis là, ben le petit Mike, il répond, ben peut-être moins petit à ce moment-là, il était dans le junior. Il a répondu que oui, tu sais. Fait que Jean Béliveau, il a tendu la main, poigné de main, puis il a dit, c'est un honneur pour moi aussi de te serrer la pince. Et il conclut en disant, c'est tout qu'un gentleman. C'est vrai, c'est M. Classe, Jean Béliveau, c'est un grand être humain. On a un autre... on a Martin Hull qui nous raconte que il a pu soulever la Coupe Stanley dans son Abitibi natal parce que son oncle était et toujours assistant coach avec Hartley. Et que donc il promène de ville en ville avec lui selon ses équipes. Et que ben quand l'Avalanche a gagné la Coupe Stanley en 2001, si je me trompe pas, son oncle donc était venu en Abitibi pour avec la Coupe Stanley et qui avait pu la toucher, la soulever, prendre des photos avec avec la coupe. Fait que pour lui c'est son plus beau souvenir de hockey. C'est hot, hein? C'est solide. Ouais. On a aussi Luc Desormeaux qui est avec moi sur Réalité Augmentée, qui dit qu'il se rappelle d'avoir été voir le Canadien de Montréal jouer au Forum. Et il dit, ça montre comment je suis vieux. Ben oui, regarde, qu'est-ce que tu veux? C'est de la sagesse. Et il dit, il se rappelle d'avoir vu un slap shot de Guy Lafleur frapper une bouche d'aération un peu en haut de sa tête. Shit! Tu sais, t'as pensé franche, vous êtes blessé par Guy Lafleur sans avoir joué au hockey avec Guy Lafleur. C'est quand même spécial. Effectivement. Tu t'en souviens longtemps. Ah, c'est oui, oh, c'est clair. Donc, écoute, autant de belles anecdotes, de beaux souvenirs. Si vous en avez d'autres, on vous invite à nous les partager sur le Facebook de la POC que vous pouvez atteindre via le facebook.com/. La POC Podcast. On a un Twitter aussi sur lequel on vous invite à venir jaser avec nous, qui est en fait une retransmission de nos écrits sur le Facebook. Donc, @lapocpodcast. Et nous avons un site internet qui est lapoc.net. Jerry, écoute, si on veut discuter de souvenirs, si on veut discuter de hockey avec toi, comment est-ce qu'on fait ça? Par 6 minutes de fumée, ça va être long comme conversation, mais ça se fait. Non, on pourrait sur Facebook, Jerry Godbout, écrivez-moi, parlez-moi de hockey, peu importe, ça va être vraiment le fun. Je pose souvent plein d'affaires de hockey, fait que j'invite à commenter là-dessus. Sinon aussi sur Twitter, @Godbout25, je suis pas le plus présent, mais si tu m'écris, je vais te répondre. Sinon, c'est pas mal ça. J'ai aussi un autre podcast qui parle de jeux vidéo. Films, BD et tous les trucs que les geeks aiment bien. Donc, si aussi tu veux me parler de ça en général ou d'écouter nos anciens épisodes qui sortent une fois aux 40 mois, mais quand même, on est là pareil. Donc, c'est pas mal ça. Une fois aux 40 mois, ça c'est une fois aux 4 ans. Là. Ouais, c'est malade. Non, pour vrai, on sort plus rapidement que ça quand même. Ouais, mais à peine. Ouais, c'est ça. 3 ans et 2 mois, genre. Donc, toi aussi, j'imagine, t'as une présence sur les internets. Ouais, sur Facebook, JB Gagné, dites que vous me suivez de par mes podcasts. Venez jaser de hockey, toujours bien ouvert aux discussions. Même si parfois, on n'a pas les mêmes idées. C'est correct, c'est juste du hockey. C'est le fun, tant que c'est dans le respect. Ensuite, sur Twitter, @gangj_b, et sur mon autre podcast que vous pouvez écouter, c'est La Réalité Augmentée, qui est disponible à chaque semaine, qui est un podcast sur les jeux vidéo et la techno, le cinéma, la culture populaire, tout ça. Écoute, j'avais complètement oublié, je veux saluer l'un de nos auditeurs. Lui, il est en France. Je savais qu'on avait des auditeurs en Suisse. On salue Pierre-Yves Giacometti. Je lève mon chapeau. On a aussi Adrien Lambert qui nous dit « Hey, on vous écoute depuis la France. » Nice! Puis il a dit qu'il nous racontait qu'il allait aller voir bientôt son premier match de la Ligue nationale, les Islanders contre les Hurricanes. Fait que je sais pas c'est quelle ville. Ça doit être à New York, je suppose, en provenance de la France. New York serait le plus logique. Mais peut-être que c'est en Caroline. Dans les deux cas, des maudits bons joueurs des deux équipes vont avoir du fun. Puis j'ai demandé qu'ils nous réécrivent pour nous raconter son expérience. Donc, un gros salut, Adrien. On est vraiment content que notre podcast voyage de l'autre côté de l'Atlantique. Ça fait toujours plaisir. Puis, tu sais, n'hésite pas à venir jaser avec nous autres. On est toujours ouverts. Et aussi, il y a Daniel Tanguay qui est... le gars derrière le site web de sportradio.ca qui nous diffuse à quelques midis durant les semaines suivant nos enregistrements, qui il y a eu un commentaire d'un de ses amis Facebook qui dit combien de buts depuis décembre pour Thomas Plekanec. Et lui, il dit, ben, faudrait demander au gars de la POC. Donc, on le salue. On est rendu une référence. La réponse sera pas beaucoup. Et lui, il lâche le col en disant, Plekanec est devenu le Scott Gomez des temps modernes. Sauf qu'au moins, Plekanec a été repêché par le Canadien de Montréal et donc n'a rien coûté à acquérir, contrairement à Scott Gomez qui a coûté McDonald's. Ça fait mal encore, hein? C'est une plaie ouverte. D'ailleurs, je veux dire... Ça, c'est un message que je lance à l'univers. Tu sais, là, les amateurs, là, les gens, les passionnés de hockey, là, qui sont des fans du Canadien ou des autres équipes qui nous disent « Hey, arrêtez de nous parler de la transaction Weber-Subban. Get over it. » Non. Juste non. Écoute, si on peut encore parler, on peut encore chialer de l'échange de Gomez pour McDonough, on peut encore parler de celle de Subban contre Weber. OK? Tant que les deux gars, là, les impacts de cette transaction-là seront pas finis, on va y faire référence. Check-moi bien aller. Voilà qui complète notre épisode de cette date limite des transactions en ce 2 mars 2017. Mon nom est JB Gagné. J'étais accompagné par... Jerry Godbout. Et tous les deux, on vous remercie d'avoir été là. Et on vous dit à la prochaine fois dans un autre épisode de la POC. Bye-bye tout le monde. Ciao là.